Avec tout ce qui se passe au quartier, normal que je me forge. À force de gang, les frères tombés, fortifie mon mental. Toujours dans le qui vive, ici c'est le doute pour faire confiance. Juste le temps d'un tour, c'est décembre. Avec tout ce qui se passe au quartier, normal que je me forge. À force de gang, les frères tombés, fortifie mon mental. Toujours dans le qui vive, ici c'est le doute. Loin d'être riche, l'argent m'a souvent fait défaut. Je me suis démerdé, démarqué des faux. Toujours la pêche, le sourire aux lèvres, en attendant que la roue tourne vers moi. Les impatients bêtent des convois. Je marche seul pour éviter de crever, à la recherche d'une combine pour voir couler le blé. Et quand ça tombe, tout le monde est de mon côté. C'est grave comme certains hommes n'ont pas dignité. Soi-disant gardien de la paix, jette un œil sur le boulevard. S'ils ont pas encore par choqué un petit noir. Dans le combat de la vie, je mange des coups de crosse au mental. L'erreur est mon arme la plus fatale. Je prends exemple sur mon père, sa détermination l'a fait quitter ses terres. Sa discipline a fait de lui un homme fier. Mental de guerrier, comme les footballeurs noirs qui ont subi les chimpanzés. Mental de guerrier, comme les innocents du trop qui ont été enfermés. Avec tout ce qui se passe au quartier, normal que je me forge. À force de gang, je les fais tomber. Fortifie mon mental. Toujours dans le qui vit, ici c'est tout pour faire confiance. Juste le temps d'un tour, c'est décembre. A du vécu, il a avancé sans jamais donner son cul. Confronté à des lâches comme l'ONU qui laisse faire des barges comme bouche. Encore un mental louche qui va en prendre plein la bouche. Comme cet homme qui reçoit 10 ans dans les dents. À la barre, le proc est content. Préfère que ça soit un dealer au trou plutôt qu'un marque du trou. Violence amasse dans la rue, c'est les meufs. Cocktail molotov dans la place, tous les jeunes marchent à meute. C'est la folie de partout, un pays fou. Pourquoi cela? Ils diront que c'est l'immigration. Étrangers qui ont une mauvaise intégration. Mental de guerrier qui a sion, qui sait tous ses mensonges. Qui a été blessé mais qui se forge, j'avance sans penser. Je combats sans reculer, poussé par l'injustice. Je regarde un peu dehors, la vie crue me donne un appétit de fou. Demain je vais jouir face à une assiette de sous. Avec tout ce qui se passe au quartier, normal que je me forge. À force de gang, je les fais tomber. Fortifie mon mental. Toujours dans le qui vit, ici c'est tout pour faire confiance. Juste le temps d'un tour, c'est décembre. Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Castella, Cast